partie, dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Nos cœurs est plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Et bonjour auditeurs, bienvenue dans votre émission Musette Party. Et bien sûr, bonjour aux internautes qui nous écoutent. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors vous êtes bien donc dans Musette Party sur Radio Gémozo 107.0 comme tous les samedis matins entre 10h et midi, grosso modo, hein, à peu près, hein, on n'est pas assez près. Autrement le dimanche, eh bien c'est dès 7h sur Radio Gémozo, toujours le dimanche, ainsi que sur Résonance FM, donc le samedi dès 11h à la Bresse sur le 88.1. Le dimanche, eh bien, c'est dès 5h sur donc Résonance FM à la Bresse. Et maintenant, depuis peu, eh bien, on peut nous écouter sur Fréquence Amitié à Vesoul le samedi matin de 9h à 10h. Alors la fréquence donc là-bas, c'est le 91.3. Les amis haute-saônois, haute-saônoises, hein, bienvenue dans Musette Party donc, hein. Radio Tsuno avec nous. On fusionne maintenant. Comme beaucoup de monde, quoi. Beaucoup de monde fusionne maintenant. Comme nous aujourd'hui, vu que c'est les portes ouvertes, hein, ce samedi. Donc dans les studios de Radio Gémozo, c'est les portes ouvertes. Et oui, la porte est ouverte. Vous pouvez venir. Aujourd'hui, samedi 6. Hein. Parce que si c'est la semaine prochaine, c'est plus la peine, ce sera fermé. Hein. Alors, nous avons bien sûr eh bien, Marcel. Bonjour Marcel. Bonjour Cyril, bonjour tous les auditeurs, les auditrices, et tous les internautes. Marcel Houillon. Bonjour Martial, bonjour Christian. Voilà, donc bah, oui, donc je voulais donc dire bonjour. Martial Villemain, bonjour Martial. Bonjour Cyril. Accordoniste, chef bonjour d'orchestre, à tous, hein. Compositrice. Ouais. Non, compositeur. Compositeur, oui, je préfère, hein. Je salue les internautes, hein, bien sûr, les auditeurs, auditrices. Les internautes. Ouais. Internautes. Donc, Martial qui nous vient d'Éloi. Et Christian, oui. Bonjour. Bonjour Cyril. Christian bonjour Saint-Père. Martial. Marcel. Marcel. Il ne sait plus son prénom. Oh non. Ça y est, j'ai ça oublié, commence. Ouais. Tu sais plus comment il s'appelle. C'est l'émotion. Ah, l'émotion. En combien de fois aussi? En un mot ou... Pas, je ne rappelle plus. Parce que à Sion, là-bas, il y a des mots aussi. Ça fait l'émotion. L'émotion, hein, c'est sûr. Oui. Sion. Et aujourd'hui, les profusionnes. Hein. Les profusionnales, c'est bien ça. Oh. Il en remet une couche par celle-là. Eh ben, ça commence fort. On commence dur. Hein. On ne terminera pas comme ça, hein, t'inquiète pas. Parce que c'est long après. Je ne sais plus quoi dire à force. C'est le début. Bien souvent, au début, ça va toujours bien. Hein. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Bon, on va débuter l'émission avec quoi donc ? Une série de marches, tiens. Pour commencer, pour changer aussi, parce qu'en général c'est le passo, mais là ça va être les marches. Voilà, les marches sympas ça. Allez, une série de marches avec nos invités qui sont ici présents. Donc Christian Saint-Père, Martial Dulmain, donc c'est vous qui ouvrez le bal. Avec pour commencer, les Amis du Musette, tiens. Les Amis du Musette que tu as enregistré dans ton album. Toujours disponible, Christian. Toujours disponible, mais il m'en restait plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup, alors il faut se dépêcher. Hein. Donc ça s'appelle Valsons au lac de Vèvres. Voilà, c'est ça. Parce qu'il faut le dire, tu nous viens de Vèvres. Vèvres et Montoy. Et Montoy. 70 000. Ah oui, il ne faut pas oublier le et Montoy. Montoy, oui. D'accord. On ne dit pas Vèvres tout court. Là, ça existe aussi, parce Vèvres. Il y en a plusieurs de Vèvres. Ah bah oui. Ah oui. Il y a Jean-Claude. Oui. D'accord, oui. Parce que c'est joli là-bas, hein. C'est beau, hein, avec le lac, tout. Oui. Là, c'est un beau petit coin. Ça. On peut s'y baigner, sympa, on peut aller à la pêche aussi, non? Oh, non. Non, c'est pas assez profond. Je sais pas comme c'est au fond, mais... Oui. Ah bon. Voilà, donc ça s'appelle comme ça, ton album, ton CD. Donc voilà, et puis Martial, ben, ça sera Miss March, tiens, une marche. Allez, Miss March, ben, que l'on extrait de ton tout dernier album sorti cette année. Ouais, dans son rythme des saisons, ouais. Oui. Et là, nous sommes à l'automne, en automne, là. Ça, et oui, et oui, ça danse tout le temps, ça danse, ça danse. Voilà, c'est dans son rythme des saisons, donc avec Martial Vulmain. Ben, pour la première fois, il voit l'automne, hein, ton album, là. Exactement. Parce qu'il n'a encore pas vu l'automne, hein. Il est sorti au printemps. Hein. Donc, effectivement. Ouais. Oui. Voilà. Allez, c'est parti, les Amis du Musette, Miss March. Christian Saint-Père et Martial Vulmain. Merci Martial, ici présent. Ça fait plaisir, merci de l'avoir passé. Hein bah c'est, c'est avec plaisir, hein. Attends, c'est gentil aussi à toi d'être là. Bah, c'est toujours avec plaisir, hein. Voilà, j'ai vu un petit peu de lumière, j'ai dit tiens, il y a quelqu'un. Oui, je me suis arrêté, bah voilà, la porte est ouverte. Voilà, bah oui, c'est les portes ouvertes, hein. Donc vous pouvez venir, hein, dans les studios, la porte est ouverte, enfin les portes sont ouvertes. Hein. Si vous voulez venir nous voir, nous faire un petit coucou, vous verrez en même temps Martial Villemain, Christian Saint-Père, Marcel Houillon. Et en plus de ça, il y a Marie aussi. Hein, ça va? Je vais dire un petit coucou. Allez, dis un petit coucou. Bonjour Cyril, bonjour Martial, bonjour Marcel. Ah. Salut Christian. Tu l'as encore pas vu. Ça fait un grand voyage hein, pour venir ici. Oui, bah oui, ça fait un grand voyage. Oui, il y a une heure de route. Il y a longtemps que je t'ai pas vu. C'est parce que tu n'avais pas mis les lunettes, non, je crois. Puis bonjour à tous les gens qui nous connaissent. Voilà, bah les Hauts-de-Saônois, les Vosgiens, les Alsaciens. Vous venez de temps en temps dans les Vosges, hein, jouer. Voilà. Il fait bon dans les Vosges, il y a un grand soleil. Venez vite nous rejoindre. En Haute-Saône aussi, il fait bon, hein. Parce qu'après, ils vont être jaloux aussi sur Fréquence Amitié. Hein. À Vesoul, ils ne vont pas être contents. Il fait beau aussi en Haute-Saône. Hein. Hein oui, oui. Alors, où pourra-t-on te retrouver prochainement, Christian? Ben, à Port-sur-Saône. À Port-sur-Saône, alors dans ça sera quand jours. Dans 15 jours. Le combien alors le... Ça fait le 21. Le dimanche 21? Oui. D'accord, à Port-sur-Saône. C'est là. Et c'est un thé dansant. La confrérie des rillettes. D'accord, c'est un thé dansant. Enfin, c'est un... Un repas? C'est un repas, oui. Le midi? Le midi, oui. D'accord. Mmh. Donc il faut réserver? Il faut réserver? Le midi à partir de midi. Il vaut mieux réserver peut-être, non? Si c'est un repas. Non, ils peuvent venir comme ça, les gens? Non, mais c'est plus... C'est plus les gens de la confrérie. Hein. Ah, d'accord. Ouais, ah, oui. C'est plus le... Ah oui, d'accord, c'est pas ouvert à tout le monde. Non. Ah mince, bon, là oui. Ben. Ouais. Non mais ça, pas grave. Oui, ben, oui, tu le dis quand même. Et puis le dimanche après, à Rue sur Moselle. À Rue sur Moselle. Oui. Pour un thé dansant là. Oui, c'est un repas dansant. Ah, tu viens chez nous alors. Oui, voilà. Ah ben c'est bien. Oui. Donc là, ce sera le 20... 29... 20... Non, 28. Oui, 28. Oui. 28 octobre. Oui, à partir de midi. À partir de midi. Voilà. D'accord. Ouais. Il faut réserver, là? Non. Oh, bah oui, là, c'est pour réserver, oui. Il y a un numéro, tu sais pas? Alors là, je sais pas du tout. Non. Ah, bon. Non. Bon, alors, pour plus d'infos, contactez Christian Saint-Père au 03 84 76 26 69, c'est ça? 69, oui. Oui. Surtout le dernier chiffre, hein, celui que tu retiens le plus, hein. Voilà, donc 03 84 76 26 69, si vous voulez plus d'informations concernant l'actualité de Christian Saint-Père, ici présent. Alors après, les marches, eh bien allez, je vais endosser l'accordéon. Des Vosges à la Savoie, c'est une valse que nous avons faite avec Alexis Ballandier, Christophe Pesset et Arlette Violier. Et donc, c'est une valse que vous pouvez retrouver dans mon album Des Vosges à la Savoie, volume 2. Toujours disponible, mais il n'y en a presque plus aussi. Hein. Tu avais fait plusieurs volumes, hein, Cyril, hein? Deux. De la série là, deux. D'accord. Oui. Le plus, c'est le Balvosgien, il y en a trois. Ah oui, c'est celui-là, d'accord. Le quatrième est en route. Il n'est encore pas sorti, bientôt, ben... non? C'est bien, bon. Eh ben j'espère. Un petit coup de castagnette et puis c'est bon. C'est reparti. Voilà, j'attends. Mais bon, hein. Ok. Donc voilà, donc c'est Des Vosges à la Savoie que voici. Un petit clin d'œil à notre ami Alexis Ballandier qui nous écoute, je pense. Oh oui. Enfin, peut-être. Je pense. J'espère. Donc c'est parti avec cette valse. Alors à noter que vous pourrez donc venir danser à mes côtés le 14 octobre. dimanche 14 à Saint-Dizier, à la Marina, de 15h à 20h. Le numéro 03 25 06 48 92. Tu le connais pas par cœur? Non. Ah bon? Non, il n'y a que toi qui sais. 03 25 06 48 92, c'est le numéro de la Marina. Puis c'est tout. Voilà, donc ça sera le 14 octobre. Hein. Et toi, on te retrouve prochainement où? Alors, bah, demain, c'est à Mousset. Demain, dimanche? Oui, dimanche 7 octobre. Le 7, voilà, Mousset. Voilà. Le 14, je serai à PEM. À PEM, en Haute-Saône? Voilà, en Haute-Saône. Ah, d'accord. Voilà. Bah, dans le cadre du. C'est une soirée Téléthon. Voilà, avec Gilou. Avec Gilou? Ouais. L'accordéoniste? Voilà. Ah, d'accord. Et son petit accordéon. Et son petit accordéon. Et puis, il y aura aussi Gilbert Conti. Gilbert Conti, voilà. Qui nous accordéoniste et, voilà. Bah, qui joue de l'accordéon. Accordéon clavier. Clavier ouais, comme piano. Christian et Marcel, ici présents. Ouais, ouais. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. Donc, il faut réserver pour ça ou... Peut-être, hein, parce que je pense qu'il y a déjà du monde, mais peut-être qu'il faut réserver, mais j'ai pas le numéro en t'as tête. Pas le numéro comme en toi, tête. Tu connais tous les numéros en tête. Mais... Bah là, je connais pas celui-là. Et là, j'ai rien sous les yeux. Non, mais... Bon, bah, enfin, je si regarderai, je te dirai tout à l'heure, il doit y avoir une... Autrement, on contacte hein, pour plus d'infos, on peut t'appeler. Voilà, il n'y a aucun souci. Hein. Vous pouvez m'appeler au 06 15 40 49 90, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça se passe donc à PEM. À PEM, en Haute-Saône. Voilà. Pour les amis haute-saônois qui nous écoutent. Notamment donc sur Fréquence Amitié. Voilà. Voilà. Exact. Comment? Oui. Oui. Et autrement, tu seras je, dans le coin. Je salue hein, Jean-Marie et toute son équipe, hein, Fréquence Amitié. Oui. On les salue. Eh oui, toute l'équipe. Le père Antoine. Et Jean-Marie ouais. Et Daniel aussi. Oui, aussi Daniel. Ouais. Voilà. Et tu seras également donc, dans les Vosges, dans le coin, le 31 octobre. Ah oui, le 31. Le jour d'Halloween. Voilà, c'est un mercredi. Oui. Et c'est le thé dansant, l'amical des employés communaux, voilà, d'Elois. D'Elois, donc. C'est au centre culturel d'Elois. D'accord. Alors c'est pareil, hein, pour nous contacter, moi ou mon épouse, c'est 06 15 40 49 oui. 90, voilà. D'accord. Ou alors 06 26 36 03 60. Voilà, c'est le téléphone de mon épouse. Donc l'entrée sera 8 euros et de 8 sur réservation. Oui. Ou alors 10, 10 sur place. Sans réservation. Voilà. Voilà. Tout à fait. Donc il vaut mieux réserver, vous et économisez là, on est en orchestre, 2 là. Euros. Ouais. Ouais. Voilà, c'est toujours c'est ça. Toujours ça. C'est toujours ça. Oui. Et donc là tu seras en orchestre. Oui. Avec saxophoniste. Voilà, il y aura sax. Batteur. Batteur, ouais. D'accord. Ouais. Voilà, voilà. Très bien, donc venez nombreux le mercredi 31 octobre, donc à Elois, de 14h30 à 19h, avec Martial Villemain. Ici présent. Tout à fait, Cyril. Allez, donc c'est parti pour la petite valse des Vosges à la Savoie. We'll be right back. Eh bien, merci à notre ami Alexis. C'était Alexis Balandier qui a fait le Balentier, là, d'ailleurs, hein, dans les Vosges. Balentier, c'est le titre de son album qui s'appelle comme ça, Balentier dans les Vosges. Hein. Bah oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il en avait en préparation. Là, je ne sais pas où c'est qu'il en est, Alexis. Ah, bah, je sais pas. Qu'il en parlait toujours. Oui, on prépare tous un album, quoi, en fait. Un deuxième, ouais, je ne sais pas. Oui, voilà. Bon, en fait, donc Alexis Balandier, eh bien, il a 23 titres dans cet album. Hein. C'est pas mal, hein, quand même. Bah, comme le tien, et 20 titres hein, aussi. Hein. C'était 20, hein, oui. Oui, ou 20. 21, oui, 20. 20. Ouais. Mais l'autre d'avant, il y en avait 27. Je crois 27, que c'est le plus petit, hein, 27, ouais. Oui. Ça, c'était beaucoup, quand même. Oui. Toi, ma jonquille. Ouais, j'aurais presque pu en faire deux, là. Oui. T'aurais pu faire un double, presque. Enfin, là, c'était une valse, la tyrolienne vosgienne de Jean Lallemand. Jean Lallemand que tu connais, hein, Christian. Enfin, tout le monde connaît Jean Lallemand. Alexis Balandier, Frédéric Buch et Myriam Thiébault. Voilà. Vous savez tout sur cette valse maintenant, la tyrolienne vosgienne. Oui, c'est vrai. Il y a la tyrolienne alsacienne, la tyrolienne franc-comtoise. Oui. Tyrolienne alsacienne, c'était pas Frédéric. Si. C'est, hein, c'est de Frédéric, ça. Et franc-comtoise aussi. Aussi. Il y aura, oui. D'accord. Il y a Frédéric dedans aussi. Mmh. Okay. Oui. On peut faire la tyrolienne haute-saunoise aussi. Hein. Mmh. Exact. Hein. Il existe la tyrolienne Loyatte. Loyatte, ah oui, aussi, oui. Ah, elle existe. Ah, oui. Hein. C'est pour les habitants de Loya, ça. Ouais. Non, des non, de Loya. Des lois. De Loya. Ouais. De Loya. Ouais. Quoique ça ferait un beau nom, hein. Un beau nom de village. C'est les habitants. T'habites où à Loya? Oui, pourquoi pas. Oui, ça pourrait faire. Bah oui. Bon, et à présent, eh bien, voici un petit peu de jeunesse. Eh bien, c'est Laura que l'on retrouve avec un tango. C'est Tango pour Papy. C'est bien. Voilà, c'est de Frédéric Buch, Christelle Jeanblanc, Laura Vimar et Cyril Renaud, donc extrait de cet album À la poursuite des boutons en 14 titres. Alors c'est parti avec le tango, Tango pour Papy. Thank you. Merci à Martial, c'était encore une fois Martial Villemain, ici présent, oui. Mais il est présent. Au téléphone, voilà. Voilà, c'est ça les vedettes. Hein. Eh oui. Hein. Christian, ça va ? Oui, ça va, très bien, on est bien ici. Ah bah oui, on est bien. Bon, c'est toi qui vas jouer après, là. Hein. Avec mon ami Cyril. Bah oui, mon ami, c'est pas Pierrot, là. Non, non, c'est pas Pierrot, là. Oui. Tu veux que je te prête ma plume ? Ma puce. Non, ma plume. Ah, ma plume. Tu sais, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire. Pour écrire une partition. Oui, une partition. Bah, si tu veux. Bah, je les ai amenés en plus, ces partitions, hein, tu vois. Avec ma plume. Oh, tu me les envoies, voilà. Ceux-là. Ah bon ? D'accord, si tu veux. Tu les as pas ? Bah non, c'est, elles sont pas très vieilles. Hein. Oui ? Enfin, là, oui. D'accord, je les enverrai. Alors, donc Christian, ben après Martial Villemain, donc là c'était la passion, c'est de l'espagnol, là. La passion del tango. Attends. La passion del tango. C'est comme ça qu'ils disent en espagnol, la passion, si. Il se retient de rire, non ? Hein ? Ouais, ouais, en sortant. Ah oui, d'accord. Donc cet extrait toujours hein, de son album, hein, Martial, son dernier album, hein, toujours disponible puisqu'il n'a pas un an. Hein. Donc dansons au rythme des saisons. Et là, c'est Christian, donc que voici avec un fox, c'est le fox du berger. Et non pas de la bergère. Hein. Non. C'est du berger. Hein ? Oui, c'est le berger, oui. Oui. Le folk du berger, de Frédéric Buch. Et Myriam Thiébaud, non? Thiébaud, oui. Ah non, Franck Villain. Franck Villain, oui. Voilà, tu ne te rappelles plus? Non, je sais que c'est de Frédéric Buch, c'est tout. Oui, Frédéric Buch. C'est le propriétaire, ça. Voilà, c'est le... Oui. C'est le... Enfin, il fait partie, oui, des propriétaires. C'est vrai. Donc, le Fox du Berger, donc, c'est toi qui prends le relais. Avec le Fox du Berger. Donc, tout à l'heure, tu nous feras un petit air d'accordéon en direct, en live. Oui, pas de problème. Tu l'as emmené, il est là. Oui, il est dans la voiture. Ah, il est dans la voiture. Ouais. Bon, alors... C'est toujours avec moi. Toujours. Ouais. C'est ma deuxième femme. Ça va, elle n'est pas jalouse. Sûrement un peu. La première. Un petit peu la première, parce qu'il y a la première femme aussi. Hein, elle est là. Hein. Parce qu'il a plus souvent, il a peut-être plus souvent l'accordéon dans les bras que sa femme. Ah bah oui, oui. C'est, enfin après, il y aura, c'est l'accordéon qui te fait vivre hein, aussi. Hein. Moi, toujours dit, il faut mieux oublier sa femme que l'accordéon. Bah oui. Et parce que avec ton accordéon, tu peux encore manger, mais qu'avec ta femme, tu peux pas manger parce que tu peux pas tu peux pas travailler, tu peux pas tirer. Enfin. Je veux dire, si tu tires dessus comme avec l'accordéon, ça rapporte pas de sous, quoi. Hein? Tu vois? Oui, enfin, hein? De toute façon, j'arrive à mesurer un sujet de conversation qui est très intéressant. Eh ben non, mais je veux dire... après, oui. Tu la casses, quoi. C'est fragile, hein, une femme, quand même. Il faut en prendre soin. Si tu tires dessus, mais l'accordéon tu aussi. Peux pas tirer longtemps hein, dessus. Ben non, et puis ça fait pas de musique, quoi. C'est... Non, non. Voilà. Ça dépend, si tu tires dessus, ça peut faire de la musique. Hein. Ah ouais, bon, ça dépend quelle musique. Elle va chanter. Ça va être dans les aigus, là. Enfin, voilà, on a un petit peu dévié, hein, oui. Désolé. Donc, c'est parti avec le Fox, donc je disais, c'est Christian qui prend le relais. Ah bah, parce que toi, tu viens de nous envoyer un petit tango, là. Hein, j'ai entendu. T'as entendu? Oui, oui. Tu dansais là-bas, non? Je dansais à côté, là, ouais. Ah bah oui. Moi, j'étais au téléphone, désolé, mais j'ai entendu. Hein. Bon. Alors, le Fox du Berger, c'est parti. Christian Saint-Père, dans Musette Partie. bien, c'était Christelle Jeanblanc avec ce dernier foxtrot qui s'appelle le chouchou du foxtrot. Le chouchou pour mettre dans les cheveux, hein, c'est le chouchou, c'est le, celui qui... Le chouchou du foxtrot, quoi. Le chouchou. Il y a le chouchou de mon cœur, le chouchou du foxtrot. Oui, le chouchou de mon cœur, d'ailleurs. Celui qui aime bien le foxtrot, quoi. Voilà, c'est ça. Il... Tout à fait. Tout simplement. Oui. Alors, si vous voulez danser au son de l'accordéon de Christelle, eh bien, vous pourrez la retrouver à Langres le dimanche 14 octobre à Langres, à la Loco, hein, en face de la gare. Donc, ça sera le dimanche 14 octobre de 14h30 à 19h30. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 03 25 87 49 91. Je répète, 03 25 87 49 91. Donc ça, c'est pour le dimanche 14 octobre avec Christelle Jeanblanc. Et le jeudi 18 octobre, eh bien, vous pourrez danser également avec Christelle Jeanblanc du côté de Velaine-en-Haye, à côté de Nancy, à la forêt de Haye. Donc c'est à Lauzan, au Dancing Lauzan, de 14h30 à 19h, puisque depuis peu, eh bien, le Dancing Lausanne fait tous les jeudis. Il y avait tous les dimanches, tous les jours fériés, et maintenant, il y a tous les jeudis. Donc c'est à côté de Nancy, hein. Alors, le numéro de téléphone, de, c'est le 06 79 17 36 97, je répète, 06 79 17 36 97. Tu connais, Christian ? Non, non, je connais la forêt de Haye. T'as jamais entendu parler de la forêt de Haye ? Non ? Un peu après Brabois. Oui ? Non, je connais pas les coins, là, moi. À l'auberge de la forêt, non ? Non, tu connais pas, non ? Non. Non. D'accord. Non, je connais pas le... Oui, le, la région là-haut. De... Non, c'est non. Trop haut. À part la Haute-Saône. Les Vosges. La Haute-Marne. Mmh. Un petit peu. En Haute-Marne. Ouais, un petit peu. Le Doubs. Le Doubs. Ah bah, le Doubs, oui. Oui. Ouais, c'est pas loin de chez moi. Le Jura ? Le Jura, oui. Oui ? L'Alsace ? Ah, l'Alsace, oui. Mmh. On mange bien là-bas. Ah bah oui, oui, oui. Les choucroutes. Mmh. Les flamencuches. Voilà. Donc, on salue nos amis alsaciens d'ailleurs, hein, s'ils nous écoutent. Voilà, donc vous êtes bien, dans vous êtes parti. Eh ben, tiens, du coup, on continue avec Christelle. Et voici une Java que nous avons faite avec Joël Dulac. Je sais pas si tu... Si, je connais. Tu connais, hein. J'ai fait un enregistrement avec lui. Oui, il était là, hein, une fois, oui. Une fois. Oui, une fois. C'est comme... C'est comme en Belgique. Une fois, alors. Hein. Et une fois, deux fois. Une fois, allez. Donc, elle est chouette, la Java. Donc, c'est une Java que nous avons faite avec Joël Dulac, que l'on salue. Quelle est chouette la Java, donc c'est Christelle Jeanblanc. Hein. Allez, javateur, javateuse, c'est à vous. Je sais que Christian aime la Java, donc hein, t'aimes bien faire, dans, faire la Java. Oui, de temps en temps, oui. Oui, enfin danser la Java. Oui. Tu danses un peu la Java aussi. Oui, aussi. Bon, si tu veux, on mettra à nous la Java. Hein ? Ah bah oui, oui. Oui, à comme tu l'as la enregistré. Java, oui. À nous la Java. Allez, c'est parti pour la série de Java. We'll be right back. Merci Christian. Voilà Christian Saint-Père, accordéoniste. Merci. Chef d'orchestre. Mmh. Toujours chef d'orchestre. L'orchestre composé de 3 musiciens, c'est ça? Un batteur, un clavier. Et l'accordéon. Oui. Bien sûr, c'est l'accordéon. Toi. C'est moi Christian Saint-Père. Oui, c'est pas toi Jérôme. Non. Ben, oui, enfin, voilà. Non, mais c'est comme la chanson. Oui. La chanson. C'est Jérôme. Oui, c'est moi, Jérôme. Oui. Là, c'est oui, c'est moi, Christian. Je n'ai pas changé. Ça, c'est... Ah non, c'est Ecclésias. C'est Julio. Oui. Non, mais c'est comme dans les paroles c'est de toujours ces l'orchestre rétro-variété. Ah non, non, non. Non. C'est Christian Saint-Père, maintenant. Ah donc, c'est plus rétro-variété. Ça, non, c'était c'est avant. C'est plus rétro-variété, non. C'était avant. Parce qu'il y en avait plein qui se ressemblaient. Il y avait Trio Musette, il y avait Rétro Variété, il y a... Oui, Variété Musette, Variété... Il y avait plein de... Alors, d'accord. J'ai mis mon nom. Oh, ça fait déjà une dizaine d'années, hein. Ah bon? Oui. Ah, je suis en retard. Oui. J'ai pas retenu la leçon, alors. Tu m'en veux pas? Non, non, pas du tout. Donc l'orchestre Christian Saint-Père. Voilà. Tu as commencé à quel âge l'accordéon entre nous? J'ai plus. J'avais 9 ans. 9 ans. Ah 9 oui. Ans. Pourquoi tu as voulu jouer de l'accordéon? Enfin, c'est qui t'a donné l'envie? Je jouais de l'harmonica. D'aimer l'accordéon. J'ai joué de l'harmonica un petit peu au début. Tu jouais de l'harmonica? Oui, j'ai commencé par l'harmonica. Chromatique, diatonique? Diatonique. Ah oui, d'accord, c'est dur. Et puis mes parents, vu que je jouais pas mal, ils m'ont mis à l'accordéon, voilà. Ah bon? J'allais tous les jours à Luxeuil. C'est toi qui avais envie ou c'est toi qui as eu envie ou c'est eux qui ont eu envie de te faire jouer de l'accordéon? Un peu les deux. Un peu les deux, oui. D'accord. Puis j'allais à Luxeuil. À Luxeuil. Les... Ouais. C'est Bruno Valli. Ah, c'était ton professeur. Bruno Valli, ouais. Ah, ouais. D'accord. Ok. Il venait toutes les semaines à Luxeuil. Ouais, oui. Pendant combien d'années t'as pris des cours? Oh, j'ai été jusqu'à l'âge de l'arbre, 18 ans. Ah, jusqu'à 18 ans? Ouais, puis après j'ai arrêté. Ah oui, là, d'accord. J'étais à l'armée et puis... Ah bah c'est bien. Ouais. Oui, après tu t'es lancé dans tes dansants, après en revenant de l'armée, non? Peut-être, ou même avant, non? Oh, j'ai été dansant, j'ai commencé après l'armée. Après l'armée, ouais. Pas avant? Ouais. Oh, non. C'était du bricolage au début. Ah bon? D'accord. Bien, bien, bien. Ouais. Non, mais ça va. Ok. J'allais en vélo, hein. Ah oui, en vélo? Depuis les mers d'Avaux. Ça fait combien de kilomètres? Tu connais les mers d'Avaux? Non. C'est près de Razon. Saint-Bresson. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Oui. Ah oui. Ça te faisait un petit bout, alors? Bah oui. Une demi-heure, oh, non? Oh, allez. Tu mettais quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure? Oh, je sais plus, mais... Le vélo sur le porte-bagages. Oui. Le vélo sur l'accordéon. Le porte-bagages. Non, le vélo, l'accordéon sur le porte-bagages. J'ai dit le vélo, moi. Oh, ça faut va. Que j'arrête aussi. Le vélo sur le porte-bagages. Oh non. J'ai... L'accordéon sur le porte-bagages. Non, mais c'est... J'ai fait deux concours. J'ai même joué sur... J'ai même joué sur un vélo, moi. En roulant. Hein. Ah ouais. Moi, je l'ai fait, moi, en montant le Mont Ventoux, moi. Faut le faire, hein. Oui. Non, non, non, il y avait que la photo. Hein. Sous le Mont Ventoux, sur ah le oui panneau du Mont. Mais t'as joué de l'accordéon en pédalant roulant. Oui. As-tu guidé le vélo comment? Quand tu te lâches les. Mais le vélo, oui, avec, oui, bah oui. Le vélo a des capteurs. Des fois, t'y arrives, oui. Oui, mais bon. Après, quand longtemps, t'as joué? Oh, mais c'était un tandem, non? T'étais derrière, tu ah jouais. Non, j'étais c'était Cyril qui était devant, puis c'est toi qui jouais derrière. C'était pour déconner, pour un pari. Ah oui, donc, et puis tu l'as gagné. Et je l'ai gagné, oui. Ah oui, bravo. Bravo, bravo. T'as pas fait de tonneau, non, ça a été. J'ai même, figure-toi que ça m'est même arrivé de danser en jouant. Je mettais l'accordéon dans le dos de ma danseuse et je jouais. Ah oui. Ah oui, ça j'ai déjà fait aussi, ça. Ouais. J'ai jamais fait ça. Mais je ne sais pas danser, alors c'est pour ça. Il faut savoir danser, hein. Mais... Ouais. Oui. Oui, il faut savoir danser. Voilà, il faut une petite danseuse. Oui. Une petite danseuse, oui. Ah bah c'est bien. Ils en font. Hein. Bah oui, ils en font. Ah bah maintenant, on va aller danser le boléro, tiens. Allez, un petit boléro avec Christian, Saint-Père. Ça s'appelle l'étape des routiers. De André Trichot, Jean-Marc Torchi et Marc Provence. Allez, voici l'étape des routiers, donc amis routiers, si vous nous écoutez. Allez Max. Bah, oui, hein, un petit clin d'œil à Max Yannick. Courrier. Yannick. Non, mais il y avait aussi les émissions de Max Meynier, tu sais, Les routiers sont sympas, tu te souviens de ça? Ah, oui. Si, ça me dit quelque chose, mais c'est vieux déjà, ça. Ah oui, très très vieux, ça, mais c'était bien, parce qu'il y avait de l'accordéon au moins, là. D'accord, oui. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est dans les années 80, quoi, 80... Oui, 80, oui, c'est ça, oui. Oui, j'étais petit, hein. Ouais. D'accord. Voilà. Allez, l'étape des routiers. Thank you. Voilà un petit clin d'œil à toutes les mamies, hein. C'était Boléro pour mamie. Hein? Et tu savais, toi, que demain, c'est la fête des grands-pères? Ah, j'en ai entendu parler, oui. Ouais. Oui, en effet, oui. C'est demain, je ne savais même pas que ça existait, moi, toi. Ah, bon, c'est encore pas ma fête. Hein? Bah, bonne fête, alors. Hein. Ah bah oui, oui, c'est vrai, en plus. Oui. Très récemment, oui. C'est vrai, je suis papy de... oui, il y a deux mois. Peu. Pour la première fois. Vas-y, on... Oui, c'est ta première. Donc c'est ma fête demain. Bah oui, c'est ta fête. Aujourd'hui, le dire à ma fille, tiens. Oui. Marcel aussi, bonne fête. Hein. Oui, merci. T'es papy aussi, Christian. Non, t'es papy. Oui, je suis papy moi. Oui. Donc c'est ta fête aussi c'est demain. C'est ta fête aussi demain. C'est la fête des grands-pères demain. Ah bon, je savais pas. Bah oui, c'est, il paraît que ça va exister. Ça existe. Depuis ça peu. Ça existe, hein. Mais je sais pas la date, tu vois. Mm. Et bah c'est demain. Voilà. Alors, ah, bonne incroyable. Fête à tous les papis qui nous écoutent. Hein. Donc là, c'était Boléro pour mamie. Pour mamie. Mmh. Mamie Nova. Hein. Mamie Nova. Non, c'était mamie Nicole. Oui, mamie Nicole. Mais bon, c'est... Mmh. C'est, oui, c'est, on fait pas de pub. Hein. Non. Non, faut pour pas. Mamie Nicole, voilà. C'est de Myriam Thiébault, Frédéric Buche, Laura Vimard et Christelle Jeanblanc. Bien, alors juste avant de vous préparer, messieurs, pour le direct, enfin le live. On va faire un petit live. Oui, eh bien on va aller en Espagne avec Yannick Catin. Super. Allez, un petit passo doble. Je salue Yannick. Voilà, on le salue. Des Vosges si à la Haute-Saône. C'est ce que va faire Christian quand il repartira. Il fera des Vosges à la Haute-Saône. Ah oui. Bah oui, je suis dans les Vosges, non? Bah oui. Bah t'as bien fait les Vosges à la Savoie, toi. Hein. Bah oui, puis là il y a des Vosges à la Haute-Saône. Voilà. Des Vosges à la Haute-Saône, Yannick Catin, donc extrait de son album, vient faire un tour en Haute-Saône. Ou en Haute-Patate. C'est cowboyau. Hein? Pourquoi la Haute-Patate? Parce qu'il y, a il y avait beaucoup de cultures de pommes de terre à l'époque. Patate. À l'époque. Les patates. Ouais, culture de pommes de terre. Les patates. Les cowboyaux. Oui, c'est parce qu'ils aiment bien la cocoyote et pour manger la cocoyote, il faut des patates. Allez, c'est parti, Yannick Catin, avec deux T. Hein. Thank you. Alors, c'était Loin de Séville avec Christelle Jean-Blanc à l'accordéon, Loin de Séville, signé Guy Allard, Martial Villemain. Martial, tu m'entends ? T'es là ? Oui. Oui, c'est de qui le passe-double, là, le dernier, là, Loin de Séville ? À toi aussi ? Ah, bah, il y a Christelle et puis moi. Et Guy Allard ? Et Guy Allard. Et ouais. Puis Marc Provence, non ? Je sais plus s'il est sur celui-là. Je crois. Oui, je crois que Marc, il est. Oui, il y a Marc Provence, ouais. Voilà. Oui, bien. Également, ouais. Alors, nous avons donc. Oui. Nous sommes en direct, hein, vous nous écoutez sur Radio Guémozo 107.0, ce sont les portes ouvertes aujourd'hui. Alors, vu qu'il y a trois accordéonistes, enfin, disponibles du moins. Voilà, donc Marcel, Martial, Christian. Alors, ils vont vous interpréter une série de valses, non, valses, ou quoi, non ? Oui, j'entendais des valses. Ou des marches, ou des polkas, ou voilà, ce que vous... Hein marches, après. Allez, donc voici une série de valses interprétées donc par les trois frères. Trois mousquetaires. Les trois mousquetaires. Donc c'est parti, messieurs, quand vous voulez. En attendant, je vais faire une petite sieste. Non, je déconne. Allez-y, attention. Voilà, bravo. Voilà, c'était donc Mon Amant de Saint-Jean. Vous voulez en faire une petite deuxième ? Une petite deuxième. Hein. Allez, une petite deuxième. Merci. Bon, là, c'était la valse des neiges. Hein ? Ouais. Mais elle a plusieurs titres hein, aussi. On peut l'appeler Neige Valse. Enfin, non. Il y a plein de noms. La Schneewalzer aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Donc voilà, il y a Christian, Marcel, Martial qui sont là avec leur accordéon. Donc si vous voulez venir les voir, hein, leur faire un bisou, ils sont d'accord. Hein. Voilà, ils sont d'accord. Hein. Voilà. Vous êtes bien dans Musette Partie. Donc c'est la journée porte ouverte. Hein. D'ailleurs, c'est le premier créneau là. Donc après, ça poursuit, ça continue jusqu'à demain matin. Voilà, voilà. Donc, si vous voulez venir faire un tour, c'est 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Miremont, 88 200. Autrement, vous pouvez nous appeler au 03 29 62. Allez, les gens. 40-40. Allez, on recommence. 03 29 62. 40-40. Tout le monde en cœur. 03 29 62. 40-40. Bien. Voilà, c'était la chorale. Allez, vous voulez faire une petite marche ? Une petite marche. Une petite marche ? Ou une... Oui, ou un tango, ou un boléro, ou non ? Une marche. Une marche. C'est plus entraînant ? Oui. Allez. 3, 4. Bravo, bravo. Une petite deuxième de marche, non ? Allez, et puis on va faire un petit jeu, non ? Non, on fait un petit jeu, on fait deviner le titre de la deuxième, de celle qui va arriver là, hein ? On va faire un petit jeu, on fera gagner un CD ou deux ou trois, je sais pas, chacun un, non ? Vu que c'est les portes ouvertes, hein. Allez, c'est parti, attention, c'est l'heure du petit jeu. Donc, on attend vos appels au 03 29 62 40 40. Faites une marche assez difficile quand même, hein, que les gens puissent pas trouver le titre. Non, je plaisante. Hein. Allez, c'est parti. Musique. Alors vous avez pu apprécier donc là bah, juste avant le générique, puisque en fait on était en direct, hein, nous sommes, enfin on est toujours en direct, hein, d'ailleurs avec Martial, Marcel, Christian, et donc il fallait deviner le titre de cette dernière marche. Donc ils ont interprété, bon, refaites deux trois mesures, allez. Voilà, c'est tout. Donc il y a déjà une gagnante. Voilà, c'est Gigi. Gigi et la Morozzo. Non, Gigi et Daniel de la Chapelle au Bois, donc qui nous écoutent sur le 107.0. En tout cas, elle vous transmet bien le bonjour. Elle vous fait un gros bisou, messieurs. Voilà. Hein ? Voilà. Donc c'est la première gagnante de ce jeu, donc il y a encore deux gagnants ou deux gagnantes, ou un gagnant, une gagnante, ça dépend. Donc il faut deviner le titre de cette marche, il faut nous dire le titre. Alors c'est quoi le titre? On le dit, c'est vrai? Bon, non, on le dit pas. Ah bon? Ben non, parce que... Il y en a d'autres qui appellent. Oui. Parce qu'il y a encore deux, on va faire gagner deux CD encore, hein. Voilà, ça vous embête pas, hein. Hein? Comment tu dis? Non, et là je voulais faire un morceau de Charles Aznavour. Ah bah oui, un hommage à Charles Aznavour qui nous a quitté malheureusement cette semaine. Voilà, ouais. À 94 ans. Ouais. Donc, hommage à Charles Aznavour, t'as raison, j'y ai pensé. Mais voilà, donc, oui. Voilà, donc je transmets ce que nous dit Martial. Hein. Allez, un petit hommage à Charles Aznavour par Martial Villemain. Allez, c'est parti. Déjà. Oui, oui, c'est un Charleston. Ouais, ou Foxtrot, ouais. Ou Foxtrot, oui. Ouais, peu importe, hein. Enfin, c'est du swing. Ouais. Voilà, ça swing. C'est vrai que ça swing. Avec Martial Villemain. Donc, un petit hommage, oui, à Charles Aznavour. C'est vrai que, bon, bah, qu'il repose en paix. Voilà. Ouais. Belle chanson, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de belles chansons, Menez-moi. La Bohème. La Bohème, oui. C'est la dernière. Entre autres. Hein. Voilà. Enfin, vous êtes bien sur le 107.0. Restez branchés. Là, ça continue, hein, l'accordéon. Et on va aller danser. Allô ? On va aller danser quoi donc ? Après tout ça. Hein. Bah allez, une série de cumbia, tiens, la cumbia, avec Martial. Tiens, Martial bien prend leur lait avec une série de cumbia. Donc cette cumbia, c'est la cumbia d'Empuria, extrait de son album, de son CD, Dansons au rythme des saisons. Allez, la cumbia d'Empuria. Alors, c'est signé Frédéric Buche, Pierre-Yves Lombard, Jérôme Richard et Martial Villemain. Oh, t'es prêt pour la cumbia ? On y va ? Allez, c'est parti ! Cumbia d'Empuria. Ah ouais, Empuria, ça c'est des bons souvenirs d'Espagne. D'Empuria. Empuria. Bon, c'est aussi des bons souvenirs à Épinal ? Aussi, oui. Également. Ah bon ? Ah oui. C'est plus près. Oui. Allez, c'est parti. Et bon appétit, hein. Thank you. Et c'était Benjamin Durafour, je ne sais pas si tu connais. Tu connais Benjamin, ah oui. Oui, bah oui. Qui vient de Gevrey-Chambertin. Oui, j'allais dire, voilà, c'est la Bourgogne. Hein. Oui, un bourguignon. Pays du bon vin. Vin. Du bon vin. Bah, il paraît, oui. Ah oui. Ah oui, bah, ça. Renommé. Oui. Il paraît, non, mais c'est vrai, je sais qu'il y a du bon vin, mais un peu partout qu'il y a du bon vin. Après, on a dit à Gevrey-Chambertin, là où il y a du bon vin, c'est pour faire un verre, quoi. Ça fait un verre de Gevrey-Chambertin, quoi. Oui. Avec modération. Oui, avec modération, bien entendu. Hein. Oui, mais si tu partages déjà un verre à deux, t'en as plus que la moitié. Hein. Ah bah oui. Ah, oui, c'est comme une paire de lunettes, tu partages un verre avec un... Ouais. Ça fait deux verres en moins. Après, tu sais que, hey, après, tu vois, moi, j'ai toujours deux verres dans le nez. Hein. Ah bah oui. Christian aussi. Hein. Oui. Si tu mets des lentilles, non, ça va pas. Je vais y penser. Tu lui manques plus que la saucisse. Non, je déconne. Saucisse aux lentilles, quoi, c'est vrai. Bah, c'est bon, les lentilles. Oui, c'est bon. Avec une bonne petite saucisse. Bah oui. Ouais. Fumé. C'est pas au tsunois, ça. Non, c'est pas au tsunois, là. Les dios. Pas... Eh ben, les dios, là, c'est savoyard. C'est savoyard. Hein. Mais pas, ils mettent pas de lentilles, eux. C'est des patates, hein, en général, hein, là-bas. Aussi. J'aime bien les patates en Savoie. Oui. Les poirottes. Oui, les poirottes. Ah, les poirottes. Enfin, voilà. Donc, après cette série de cumbia et Benjamin Durafour, on va continuer avec une série de marches. Alors, c'est une marche que Christian souhaite... qu'on lui passe, parce qu'en fait, ce sont des marches qu'il avait faites à l'époque pour un 2-3 musette. Hein ? Oui, oui. Oui. Ça s'appelle La Marche de l'Aventure. Et Fiesta Amélisé, c'est ça ? Oui. Je t'entends pas beaucoup, Christian. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il a une petite voix. Oui. D'accord. Alors, donc, c'est parti avec cette série de marches, Fiesta Amélisé, La Marche de l'Aventure. Que dire ? Que dire ? Que dire ? Oui, tu gardes un bon souvenir de 1, 2, 3, 4. Ah, bah oui, bon souvenir, oui. Oui. Oui. Oui. Ça va être déjà un petit moment. Ouais. C'est un morceau que tu as fait avec Jérôme, Richard. Ah, oui. C'était en 2013, je crois. Ah, oui, d'accord. Ouais, c'était en 2013. Hein. 2013, ouais, bah toi. Hein. Oui, juin 2013. Ça passe. Hein. Ah, ça passe, hein. Ouais. 13, bah ça fait. 5 ans. 5 ans déjà. Bon, oui, ça passe vite. Hein. Ah, bah si, hein. Eh oui. Ah oui, si, c'est vrai. C'était 2013. Bah, j'ai les dates là. Enfin voilà, donc c'est parti, Fiesta Amélisé. Un petit clin d'œil à Christelle. Oui. Oui, qui passera peut-être. Enfin, j'espère qu'elle va venir. Oui. Puis ah, Laura, non ? Bah oui. Ah non, elle garde son frère. Elle garde son frère. Oui. Et la marche de l'aventure aussi. Allez, c'est parti. Voici deux marches interprétées par Christian. Alors, c'est pour Gigi et Daniel. Hein. C'est de la part de Gigi et c'est pour Gigi et Daniel qui nous écoutent à la Chapelle au Bois. Donc, on leur dédicace cette série de marches. Elle est contente parce qu'elle a gagné un CD de toi. Toi, parce que c'est pour le jeu. Hein. T'en as encore de CD ? Oui. Alors, elle a gagné un CD, donc il y a encore deux CD à gagner. Donc. Un de Martial et un de nous, enfin de Christelle et moi-même. Bah voilà, quand on parle du loup. Allez, c'est parti avec les marches. Eh bien, c'était La Marche de l'Aventure, une composition de Jérôme Richard, de Pierre-Yves Lombard et de Christelle Jeanblanc, ici présente. Christelle Jeanblanc, que l'on peut écouter, là. Oui, on peut l'écouter. Voilà. Vous entendez tout ce qu'elle dit, là. Oui. Oui, on verra bien. On entend tout, là. Bonjour, Christelle. Bonjour, Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on est comme Christian et Marie. Bonjour. On se dit bonjour aussi, hein, autant qu'on ne s'est pas vu. Oui, non, mais moi, je discute avec Martial, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aussi. Ah oui, parce que tu as dit que c'était la porte ouverte, alors la oui. porte à tout. Hein, voilà, après, on fait ce qu'on veut. Tout le monde rentre. Et il y a du monde, là, ça passe, ça rentre, oula. Ça ressort et tout ça. C'est sûr qu'on oui. est un peu dissipé. Hein, comment oui, tu veux qu'on soit sérieux. Oui. Je vous confirme, les portes sont bien ouvertes. Voilà. C'est comme à l'école. On t'entend, Cyril, mais c'est vrai qu'on discute entre nous aussi. Ça fait comme à l'école quand il y a du monde qui passe tout le temps. On est un peu dissipé, là. Oui. Voilà. Bah oui. C'est 100% direct avec ta porte ouverte là. Oui. Bah oui. Bon, ça va, il fait pas trop froid. Hein. Non, ça va. Oui, ça il va. Fait bon là. Hein oh, oui. Tu nous aussi, il faisait bon ce matin. Oui, aussi. C'est bien. Ouais. Près du fourneau. Oui. Yes. Bon, alors concernant le petit jeu, il n'y a plus qu'un CD, il y a déjà deux gagnants. Il y a déjà deux gagnants. Voilà, il y a déjà deux gagnants, donc plus qu'un gagnant. Donc je sais pas, on met un CD, tu veux mettre quoi? Un CD de toi, un accordéon-nous, de oui, moi oui, si tu de... veux, ce que tu veux. Bon ben, c'est le dernier ou la dernière gagnante, ou le dernier gagnant, aura le choix. Donc voilà. Voilà. Oui. Alors pour la marche, c'est... enfin il faut pas dire ce que c'est, mais bon, il faut deviner le titre hein, de la dernière marche. On peut refaire un petit coup, deux, trois mesures quand même. C'était quoi? Est-ce que c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme marche? Il faut nous dire. Allez, vas-y, Martial. On encore a un peu, va. Encore. Voilà, donc bah, voilà, ça sonne, hein. Voilà. Je peux jouer, s'il vous plaît? Oui, bah tu veux jouer. Pour gagner mon CD. Bah, tu veux jouer de l'accordéon, tu peux jouer de l'accordéon si tu veux. Hein. Non, non. Bah si, t'as pas joué, tout le monde a joué, sauf toi encore. Hein. Hein tu vas jouer un petit coup en direct, là? Oui, demain. Ah, demain, bon. Non, demain, tu peux pas, t'es à Montigny-le-Roi. Ah oui. Ah bah oui, t'es à Montigny-le-Roi, demain. Voilà, demain tu vas à Montigny-le-Roi, la salle des fêtes pour un thé dansant. Oui, de 15h à 20h. Oui, de 15h à 20h. À la salle des fêtes du forum. Oui, il y en a qu'une, c'est organisé par la CPG. Oui, c'est les anciens de la FN. Ça veut dire quoi, ça, ACPG? Je sais pas trop, mais c'est... Il y a un CD de Christelle. Voilà. Christian. Oui, c'est les anciens combattants, hein, tu dis. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc ça sera la salle des fêtes. Hein, et je serai de nouveau aussi à Montigny-le-Roi dans un mois. Le premier dimanche de novembre. Là, ça sera pour le vélo club. D'accord. Donc c'est pas dansant aussi pas de 15h à 20h. Non. Non. Et autrement, tu seras le week-end d'après, le 14 à la Loco, à Langres. Tout à fait. En face c'est de ça. La gare. Oui, venez en train. Voilà, oui. Oui, t'es bête. Oui, là, oui, il y a une gare en plus à Épinal. Oui, ceux qui veulent venir de loin, tout ça, c'est bien, pratique. Oui, il y en a qui viennent des fois en train, non? Oui. T'es bête. Le train vapeur. Oh là là. Bon, bah tiens, on poursuit avec une série de valses. Alors, c'est une dédicace. C'est une dédicace, alors c'est une valse interprétée donc par Martial Villemain, donc c'est Ma Belle Bavière. Elle est belle. Ma Belle Bavière, une jolie valse de Martial, de Laura aussi, de Pierre-Yves et de Jérôme. Jérôme, voilà. Ouais. Ouais. Enfin, on va dire les noms peut-être. Non, on ne dit pas les noms. Si, on dit les noms quand même. Pierre-Yves Lombard, Jérôme Richard, ouais. Ouais. Laura Villemain. Laura Villemain, ouais. Et Martial Villemain. Voilà. On est quatre. C'est pour ça qu'elle est pas trop mal. Oui, c'est une belle valse. On y a mis des moyens, là. Ah bah oui. Donc n'oubliez pas Martial qui sera donc du côté de Eloi, hein, l'espace culturel d'Eloi, le mercredi 31 octobre de 14h30 à 19h, animé donc par l'orchestre au grand complet là, de Martial Villemain. Tout à fait, Céline. Et l'entrée, c'est 8 euros sur réservation, 10 euros sans réservation. Un numéro, 06 26 36 03 60, c'est celui de Corinne. Voilà. 06 26 36 03 60. Il le sait par cœur. Hein. Il sait par cœur, celui de Corinne. Bizarre, bizarre. Hein, non. Ça ne va pas le faire, là. Hein. Attention, hein, Martial. Alors, hein, attends, je vais dire celui de Christelle. Ouais, voilà. Bah, je ne sais plus. Non, on a un code secret entre nous deux. Ouais. Nous et puis Christian, lui, il sera donc du côté de rue sur Moselle. N'oubliez pas également le 28 octobre. Voilà, 28 voilà. octobre, oui. Rue sur Moselle. À rue sur Moselle. La salle voilà. des fêtes. À la salle des fêtes, à la SDF. SDF. Sur voilà. la domicile fixe. Oui. Mais autrement, plus proche, Cyril, c'est demain à Mousset, pour ceux qui souhaitent. Autrement, c'est demain à Mousset, bien entendu. Voilà. Oui. Voilà. Donc, Marcel, qui n'est pas là, donc, bah, ben, ma foi, c'est une dédicace. Oui, c'est Marcel qui tient la feuille voilà. des dédicaces, alors c'est pour ça qu'on ne peut pas. Voilà, ça y est, parce que c'est vrai que... Alors, dis-nous oui, tout. C'est ça, oui, la oui, oui, oui, oui. Bah, c'est la dédicace. Ah, la dédicace. Alors, tu veux de la dédicace de... Une valse. Oui, la valse de Martial. Ah, alors donc, c'est de la part de Mimi, oui. hein, de Remiremont, oui. que tu connais bien. Oui. Donc, elle m'a demandé une valse ou une java. C'est pour Karine, Martial et Nicole. Oh, c'est gentil. Corinne. Corinne, voilà. oui. Excuse-moi, Martial oui, ah bah, c'est j'ai écrit en vitesse. Et... Encore merci, Mimi. Voilà, bah, on peut mettre Corine, ma belle oui, Bavière, comme tu l'as dit. Oui, oui, voilà, ma ah. belle Bavière. C'est voilà. une belle valse. Oui. oui. Voilà. Puis on lui fait de gros bisous à Mimi, bisous, parce bisous, que Mimi. De toute façon, c'est une fidèle auditrice. Elle écoute tous les samedis. D'accord. Ah. C'est vrai. Donc, c'est vrai. La dame qui que tu as été mettre la fréquence. Voilà, voilà, chez elle. Et voilà, d'accord. C'est vrai que. Merci, c'est gentil, Mimi. C'est tout Mimi, ça, de toute façon. Ah oui, c'est tout Mimi. C'est tout mignon. On lui fait des gros Mimi. Allez, voilà. C'est parti, ma belle Bavière. Et puis après, bah, ça sera Christelle, allez, avec une valse tyrolienne aussi. Qu'adore tyrolien. Allez. C'est parti. En piste avec les valses. Thank you. Merci Christelle, c'était Christelle avec Cador Tyrolien, voilà une jolie valse que vous pouvez retrouver dans son album, dans son CD, Souvenir d'une dernière valse. Ouais. Ça va Marcel ? Ça va oui. J'ai dû noter chez moi. On est bien occupé. Hein. Ça va Christian ? Oui ça va très bien. Beaucoup de téléphones. Ça va Martial ? Ça va très bien, merci. On discute, hein, mais il y a du monde dans ton studio. Il y a tellement studio, de monde. Alors, là, oui. Forcément, c'est peut-être fatigant pour toi parce qu'on discute, tout, on t'entend tout, quoi, en fait. Hein. Oui, je dois faire l'instituteur, quoi. Bah, les auditeurs, taisez-vous là-bas. Les auditeurs doivent dire, mais c'est un champ de foire, là. Non. À Radio Gamozo, mais c'est vrai qu'on discute avec tout le monde, alors. Bah, c'est Gigi, elle m'a dit que c'était agité. Gigi, toi. Oui, oui. Agité, non, Gigi, agité. Oui, hein. Enfin, voilà. Elle a appelé. Oui, elle a appelé. Elle nous fait un gros bisou. Ah, bah nous, moi aussi, ça fait longtemps qu'elle ne les a pas vus. Hein. Oui, bah leur fait aussi. Oui. Gros bisou à vous deux. Hein. Oui. Encore, vas-y, elle aime bien. Faut pas qu'elle chope la gigite. Hein. Non. Bon, on continue avec les dédicaces, une petite dédicace encore. Allez, j'en ai avec, plein des allez, dédicaces. Hein, avec, ouais. On va passer un petit coup de. On va aller en Saône-et-Loire. Ah, Saône-et-Loire. Donc, ben oui, c'est de la part donc de Étienne Masson, notre accordéoniste franc-comtois. Non, bourguignon. Bourguignon, oui. Oui, oui, c'est plus bas. Hein. Enfin, je sais pas parce que lui, il a un peu traîné partout. Hein, alors, en Alsace, tout ça. Donc, c'est de sa part. Donc, on va. C'est quoi alors Deux tangos. Deux tangos. Ah oui. Oui. Bon, deux tangos avec Étienne Masson. Carrément deux tangos. Voilà. On est généreux. Hein. Et donc, c'est pour toute l'équipe de RGM. C'est pour tous les accordonistes ici présents. Oui. C'est également pour les Vosgiens, les Vosgiennes, les Alsaciens, les Alsaciennes, les Franc-Comtois, les Hauts-de-Saônois, les Hauts-de-Saônoises, les Bourguignons, les Bourguignonnes, les Varois, les Varoises. Les Varois, les Varoises. J'ai pas dû en oublier. Hein. Je crois pas. Non. Je sais pas, non, il me semble puis pas. Puis c'est pour son plaisir personnel aussi. Hein, voilà, bah oui. Donc, voilà. Oui, un fidèle internaute. Un fidèle internaute, oui. Oui. Voilà. Il nous téléphone deux, trois fois dans pendant les émissions, c'est bien, c'est, bah oui, oui. C'est sympa. Voilà. Et bah, il aurait pu venir aujourd'hui, c'est les bah portes oui, ouvertes. Oui, hein. Bah oui. Enfin, d'ailleurs, c'est ce que vous, je lui ai dit, hein, il fallait qu'il prenne l'avion. Et puis... D'ailleurs, si vous, vous êtes musicien chez vous, là, actuellement, si vous nous écoutez, eh ben, venez faire un saut à Radio Gamozo, on vous y accueillera avec pas grand plaisir, hein, voilà, comme on sait si bien le faire. Hein. Hein 8 places de l'Hôtel de Ville. Si vous voulez venir nous voir, bah vous pouvez venir nous voir. Voilà. Bon, après nous causer, ce sera un peu plus difficile parce que c'est pas évident quand on cause déjà devant le micro puis qu'il faut causer à quelqu'un d'autre, c'est pas facile. Eh non. Mais bon, si vous voulez venir nous voir, il n'y a pas de problème. Visiter les studios, vous pouvez. Tu as du temps que j'y suis, là, je vais faire une petite, petite parenthèse. Oui, vas-y. Hein alors. Pour les amis qui aiment l'accordéon, enfin même ceux, les danseurs et ceux qui aiment l'accordéon, donc vous saurez qu'à la Croisette des Rivales, donc le mercredi 24, le jeudi 25 et le vendredi 26 octobre 2018, alors vous pouvez venir assister à l'enregistrement de l'émission TV 1, 2, 3, danser. Alors c'est une émission avec Pierre-Yves Lombard et Jérôme Richard. Et il y aura 51 un accordéoniste. Ah, 51, ça a augmenté ? Eh oui. Bah, c'est moi. Ah, bah oui, eh oui. Christelle n'était pas prévue, elle y va. Eh oui. Eh ben, heureusement que tu es là pour eh faire oui, le chiffre 51 comme alors, le pastis. A, quoi. Christelle, puisque tu es là, il oui. y a d'autres vedettes. C'est comme qui le pastis viennent. 51. Est-ce que tu es au courant ? Du tout. Ah. Non. Bah, pas plus que moi. Non. Donc, il y a. Il bah, y a tous les accordéonistes qui vont d'habitude, voilà. Mais plus en question vedette, je. Il y a trois. Il y a alors, trois donc vedettes. La vedette du vendredi, c'est moi. Et tu sais qui c'est Non, je rigole. Pour l'instant, on ne doit encore pas dire. Ah bon, on ne doit pas dire. Il n'y a rien défini pour l'instant. Voilà. Il n'y a rien d'officiel, officiel, quoi. C'est pour ça. Il y a des noms qui sont sortis, mais il n'y a rien d'officiel. Donc, pour l'instant, voilà, tant qu'ils ne sont pas sûrs des trois artistes, voilà, ils ne vont pas le dire maintenant, quoi. Ok. Donc, il y a trois artistes qui vont venir. Voilà, trois. En plus des accordéonistes. Voilà. Donc, venez nombreux. Et comme les places sont un petit peu limitées, le mieux c'est de réserver. Donc le numéro c'est le 03 29 61 06 00. Je répète, 03 29 61 06 00. C'est la croisette des Rivals, c'est bien connu. Oui, dans les, ah bah dans oui, les Vosges. C'est connu. Ben c'est pour réputé. Nos amis haut-saônois, puisqu'on est relié par une autre oui. radio, oui. donc vous pouvez téléphoner. Oui, voilà. Voilà. Très bien. Et venez nombreux. Voilà, venez en quantité importante. Illimité. Malgré oui. que les places sont limitées, mais vous venez en quantité illimitée. Oui, oui, bah, je sais pas, ils s'arrangeront. On serra, on oui. serra. Oui, vous vous tiendrez chaud. Voilà, exactement. Donc Étienne Masson, donc c'est parti avec le tango, la série de tango, le plus beau tango du monde est le tango des jours heureux, de classique. Hein. Ouais, des hein? grands classiques. Tu connais Christian? Ah oui. Tu les joues ceux-là? Ah oui, bah, si je les jouais pas. Hein. Oui. Voilà. Allez, c'est parti avec les tangos et Étienne Masson. Chaque fois que nous sommes toi et moi, que je repense au petit bal au bord du canal. Sais-tu que ce soir-là, notre amour vivait déjà dans les mots d'une chanson et nous le dansions. Sais-tu que ce soir-là, notre amour vivait déjà dans les mots d'une chanson et nous le dansions. Un accordéon familier jouant ton air presque oublié, mais le vit un cœur amoureux tango des jours heureux. Voilà pour les tangos. Merci à Étienne Masson dans Musette Party. Et on le salue au passage. Hein. J'espère qu'il nous écoute. Il nous écoute, hein, Étienne, j'espère. Ah oui, il écoutait, oui, sûr. Par le biais d'Internet, en tout cas, parce que vous pouvez écouter Musette Party sur radioguimauzo.e en direct et réécouter également chez vous la semaine. Vous allez sur le site de Radio Guimauzo et vous pouvez cliquer sur Musette Party. Quelle que soit l'heure. Oui. Le jour ou la nuit. D'ailleurs, toutes les émissions. Hein. Et vous pouvez même les enregistrer, les télécharger. Oui, oui, on peut les télécharger, les conserver, les mettre en conserve. Hein. C'est comme les, oui. Comme les haricots. Les, mais celle-là, les on va la mettre en conserve. Hein. Celle-là, on va la mettre en conserve. On peut les charger aussi. Les charger aussi, si tu veux, oui, comme les taureaux. Hein. Ils chargent aussi les taureaux. Voilà, donc, après le tango. Eh bien, on va aller danser le cha-cha-cha. Il n'y en a pas eu de cha-cha. Hein. Il n'y a pas eu de cha-cha encore, hein, je non, crois. Non, il n'y a pas eu de cha-cha. Il n'y a pas eu de tarantelle. Enfin, si, les tarantelles, non. Non, je crois, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de lead kiss. Il n'y a pas eu de... Non. Non, il n'y a pas eu de lead kiss. Mais là, on va être un petit cha-cha. Le cha-cha, ben, le cha-cha d'Archette. Tu disais quoi? Parce que je t'avais muté comme tu causais. Oui. Non mais oui. C'est ça les portes ouvertes. Bah oui, c'est les portes ouvertes, les micros la sont ouvertes, et tout est même ouvert. Le micro est ouvert, hein, tout est ouvert. Enfin, oui, je t'ai entendu Cyril là, tout tu parlais ouvert. Donc de du tcha-tcha d'Archette. Oui, le tcha-tcha oui, d'Archette. Bah, c'est un tcha-tcha que l'on retrouve également sur le dernier CD. Oui. Hein, dans son rythme des saisons et pourquoi le tcha-tcha d'Archette? Parce que voilà, c'était une. Il fallait trouver un titre. Voilà, il fallait trouver un titre. Et puis, c'est une dame qui est passionnée d'accordéon, qui habite également Archette, et qui me suit aussi, hein, dans l'été dansant et tout. Oui. Voilà, donc je lui ai fait plaisir. Elle nous écoute, tu crois, là, sur le 107? Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas. Bon. Si elle nous écoute, on la salue. On la salue, bien sûr. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai appelé le tcha-tcha d'Archette. Très bien. Pour une personne qui est fan d'accordéon. Bien. Et qui habite à côté de chez moi, Archette, c'est pas loin des lois, hein, voilà. D'accord. Et l'autre tcha-tcha, ça sera qui? Ça sera Christelle ou Christian? Ça commence par Chris, en tout cas. Ah, bah c'est Chris tous les deux. Chris. Christian, tu préfères Christelle ou toi? Christelle, tu préfères toi ou Christian? Moi, j'aime bien les deux. Bon. Et je prends pas de risque. Moi aussi, hein. Toi aussi, hein. Bon, Christian, il préfère. Oui, enfin. Allez, on va mettre Christelle alors, Mélodie Tcha-Tcha. Donc voici deux Tcha-Tcha-Tcha. Martial et... Merci. Donc n'oubliez pas dans quelques instants qu'il y aura l'agenda aussi, parce qu'il y aura quand même l'agenda malgré que ce soit les portes ouvertes. Hein. Alors on se déhanche et on danse le cha-cha d'Archette. Thank you. Merci à Christelle, Christelle Jean-Blanc dans Musette Partie avec ce dernier tcha-tcha, Mélodie tcha-tcha de Jérôme Richard justement, Pierre-Yves Lombard de qui également, de votre serviteur et de Christelle Jean-Blanc. Voilà pour les tcha-tcha. Ah, Martial, un petit mot. Un petit mot pour tu nous quittes alors comme ça. Oui, donc encore merci Cyril hein, pour ton émission de ce matin, c'était bien. Ouais, mais avec la porte ouverte, c'est vrai que c'était un peu bruyant, mais bon, j'espère que les auditeurs, ça les a pas perturbés. Bah, ça met de l'ambiance. Hein. Mais ça met de l'ambiance, voilà. Hein, c'est vrai que c'est animé. Voilà, c'est animé tout à fait. Comme à les fait. Dessins. voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. Hein. Je salue les auditeurs auditrices. Oui. Et puis. Et le bonjour aux gens du Jacquard, alors. Hein. Oui, demain, ouais, Jacquard demain. Demain au Jacquard. Voilà. Et puis là, ce soir, j'ai une soirée privée, donc voilà, un D'accord. week-end bien chargé. Bah oui, donc il faut que tu prennes des forces, là, que tu fasses une petite sieste. Hein. Si je peux, j'en ferai une, mais je sais pas si j'aurai le temps, mais bon. Oui. Ça serait bien, ça serait bien. Après, je sais pas comment elle sera la sieste. Hein. si c'est une crapuleuse ou pas, mais. Oh, non, non. Bah non, c'est un coup plus fatigant, ça. Bah, oui. Voilà. Donc. Oui. Eh ben, à bientôt. Ciao, ciao. Oui, et puis, hein, ben, puis passe quand tu veux. Hein. Voilà. Et je salue. Ben, tu sais que les portes sont Christelle. Toujours ouvertes hein, pour toi. Hein. Oui, je sais. Merci. voilà. Elles y sont grandes ouvertes, hein, là. En bas. on vous attend, hein, d'ailleurs. Auditrice, voilà. auditeur, on vous attend dans les studios si vous voulez venir. Ben, il y en a déjà qui sont passés. Hein. C'est vrai qu'il y en a déjà des auditeurs, des auditrices. Mmh, voilà. Des artistes voir. Aussi. Hein. Mmh. Si vous êtes artiste. J'ai vu tout à l'heure, ouais. Ok. Oui, voilà. Ah bon, bah bon week-end ciao, ciao. À toi alors. Hein, puis, merci également. À bientôt. Voilà. À bientôt. Oui. Bye. Bon, l'émission n'est pas finie. Et à présent, on va aller danser. Le tcha-tcha, c'est fait. Le Madison. Un petit Madison pour l'heure. Donc on va danser le Madison, et comme je vous ai dit, oui, tu disais, tu veux ? Oui, alors ben, on va faire une petite dédicace. Oui, alors hein ? Dis-moi. Alors c'est de la part de Joël et Alain. Ah, ben, on les salue. Oui. On salue Alain, Joël et toute la donc, famille. Donc ben, c'est pour l'équipe de RGM, ici présente, pour tous les accordéonistes, même ceux qui partent. qui sont sur le point de partir, disons. Et c'est également pour Simone et Janine, Bernard et Bernadette Oudo de Fougerolles. Hein. Blasé, quoi, plutôt. Je cherchais le mot. Voilà, je ne vais pas m'en venir mieux. Hein. Donc, c'est un petit Madison hein, qu'on va faire. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on les embrasse tous et on leur fait de gros bisous. Eh ben, gros bisous et bon week-end. Voilà, bon merci week-end. De nous écouter aussi. Hein. Oui, oui, oui. Dansez alors, bien devant le buffet. Alors, ça sera là le duo Jérôme et Michel Richard. Hein salut Bernard. Salut Bernard Oudot. Bernard Oudot, oui, je le connais bien. Je sais pas, oui, il écoute peut-être. Hein. Il m'écoute. Bon, oui. Bon le salut. Alors c'est parti avec ce Madison, ça s'appelle Du Rock au Madison. Eh bien c'est le duo Jérôme et Michael Richard. Et c'est signé Jérôme, Michael et Pierre-Yves Lombard. Extrait de leur album La Cumbia de Panama. Allez, on s'aligne pour le Madison. We'll be right back. Eh bien, c'était Fabrice Peluso avec ce dernier Madison, les branchés du Madison, signé Eliane Margelli et Maurice Larchange. Alors, après le Madison, on continue, on poursuit avec la valse viennoise. Tiens, une petite viennoiserie, Christian. Ah, c'est bon, les viennoiseries. Oui, ouais, c'est bon, t'aimes bien les viennoiseries. Ouais, c'est très bon. J'aime bien. T'es gourmand, hein. Ah oui. Bon, voilà une petite viennoiserie. Donc, c'est Fabrice Peluso. Que tu connais aussi de nom, je crois. Ouais, comme ça, de nom, ouais. Oui. Bon, on le garde, puisqu'il vient de nous envoyer un petit Madison. Eh bien, voici une nuit de Vienne magique, signée Fabrice Peluso. Allez, c'est parti, nuit de Vienne magique. Pour les amateurs de valse viennoise, juste après, il y aura l'agenda pour savoir où danser dans votre région. rendez-vous de la danse. On s'y retrouve en cadence sur les paquets des guinguettes pour s'y revoir chanter et danser. Les rendez-vous de la danse dans une super ambiance. Les accordéons bon musette ne peuvent s'en passer l'hiver, l'été. Alors, si vous voulez danser dans les Vosges, eh bien, il y aura de quoi faire ce week-end dans les Vosges, notamment donc ce soir, pour commencer, à Épinal, à la Maison Léonard, bien, il y aura une soirée, ce sera la soirée Sainte-Fleur, animée par l'orchestre Los Hermanos. Alors, ce soir à Épinal, à la Maison Léonard. Et demain, dimanche 7, eh bien, dès midi, vous pourrez vous y restaurer. Dès 14h, il y aura le thé dansant jusqu'à 19h. Et ce sera animé par Frédéric Buch. Rendez-vous de la danse. Et le week-end prochain, le dimanche 14, ambiance. Eh bien, vous y danserez également dès 14h. Et vous pourrez également vous y restaurer dès midi. Et ce sera animé par l'orchestre Stanlore. Et n'oubliez pas également, à Remiremont, eh bien, le 21 octobre, eh bien, la Maison Léonard organise la farandole de l'accordéon avec la plupart des orchestres qui se produisent tout au long de l'année à la Maison Léonard. Et ça sera le 21 octobre, la farandole de l'accordéon à Remiremont, au Palais des Congrès. Alors, pour plus d'infos, eh bien, contactez la Maison Léonard au 03 29 34 31 65. Je répète, 03 29 34 31 65. Et sachez également, le mercredi 31 octobre, à noter dans votre carnet de bal de 14h30 à 19h à l'espace culturel des Lois, eh bien, il y aura un thé dansant qui sera animé par l'orchestre Martial Villemain. L'entrée 8€ par personne sur réservation ou 10€ sans réservation. Le numéro 06 26 36 03 60, je répète 06 26 36 03 60. C'est organisé par l'amicale du personnel communal. Voilà. Passer l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été, l'hiver, l'été. Et n'oubliez pas également que je vous donne rendez-vous du côté de Harold au lycée La Providence. Donc ce jeudi, nous serons donc le 11 octobre pour un thé dansant, donc à partir de 14h jusqu'à 17h30. Donc ça sera à Rolle ce jeudi 11 octobre. Alors, le numéro de téléphone, eh bien, c'est le 03 29 66 84 23. Je répète, 03 29 66 84 23. Ça, c'est pour avoir plus d'informations, donc, pour ce thé dansant organisé par la classe de 3e EA. Et n'oubliez pas également, donc, demain, du côté de Mousset, au Jacquard. Au Jacquard, eh bien, vous pourrez y danser donc demain avec Martial Villemain à partir de 14h30. Et c'est jusqu'à 19h, hein, l'été dansant au Jacquard à Mousset à côté de Saint-Dié. Alors, le numéro de téléphone du Jacquard, eh bien, c'est le 03 29 41 32 29. Je répète, 03 29 41 32 29. Sont passés l'hiver, l'été. Du côté de la Franche-Comté maintenant, Haute-Saône, alors vous pourrez danser à la guinguette des Chavannes à côté de Vesoul. Et non pas des chats qui vannent. Hein. Donc ça sera demain, il y aura un thé dansant à partir de 14h30 jusqu'à 19h30 et ça sera animé par l'orchestre Amalgame et Christelle Arroux à l'accordéon. Et le dimanche 14 octobre, eh bien, ça sera animé par Pierre-Alain Krumnacher de 14h30 à 19h30 également. Oui, c'est 19h30, c'est pas 19h. Hein. Et sachez également le jeudi 18 qu'il y aura un repas dansant dès midi ou juste le thé dansant de 14h à 18h et ça sera animé par Florent Goris. Alors le numéro de la guinguette des Chavannes c'est le 03 84 78 95 48, je répète 03 84 78 95 48. Autrement un autre numéro c'est le 06 33 55 47 60, je répète 06 33 55 47 60. Et du côté de la Haute-Marne, alors il y a la niche à Domarien, en Haute-Marne, à Domarien, entre Langres et Dijon. De 15h à 20h, vous y danserez avec Jean-François Besson. Alors c'est à 20 km du sud de Langres. Le numéro de téléphone de la niche à Domarien, alors c'est le 03 25 88 30 55. Je répète, 03 25 88 30 55. Et le week-end prochain, le 14 octobre, eh bien, ce sera animé par Yannick Catin. Toujours en Haute-Marne, eh bien, à Doulvant-le-Château, eh bien, il y aura un thé dansant de 15h à 20h à la salle des fêtes. C'est organisé par les amis d'Arnoncourt. À Doulvant-le-Château, donc, et c'est avec l'accordoniste René Grolier. Pour le thé dansant de 15h à 20h. Alors voici deux numéros de téléphone, c'est le 06 03 48 28 39. Je répète 06 03 48 28 39 ou alors 06 82 78 53 49. Je répète 06 82 78 53 49. Je suis perturbé par Christelle qui m'embête. Elle m'arrose même. Enfin, c'est les portes ouvertes, hein. On s'amuse bien aujourd'hui, hein. Autrement, toujours dans la Haute-Marne, laisse mon casque. À Langres, à la Loco, alors demain dimanche 7 octobre, eh bien, vous y danserez de 14h30 à 19h30 en face de la gare à la Loco, c'est facile à trouver. Hein. Et ce sera animé par Alexis Ballandier. Et le week-end prochain, le dimanche 14, eh bien, ça sera Christelle Jeanblanc qui m'embête là. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 03 25 87 49 91. Je répète, 03 25 87 49 91. Après, sous la fauche, également à la Fiesta. Donc, c'est à côté de Liffol-le-Grand, entre Liffol-le-Grand et Liffol-le-Petit. Alors, vous y danserez donc demain, après sous la fauche à la Fiesta de 14h30 à 19h30 avec Christian Dufan. Le numéro de téléphone, c'est le 06 82 41 17 89. Je répète, 06 82 41 17 89. Du côté de Saint-Dizier à la Marina, eh bien, vous pourrez y danser avec Benjamin Durafour demain de 15h à 20h. Comme chaque dimanche. Et le 14, eh bien, ce sera animé par Cyril Renaud. Et son chapeau. Dans une super ambiance. Le numéro de la Marina, eh bien, c'est le 03 25 06 48 92. Je répète, 03 25 06 48 92. L'hiver, l'été. Je sais pas si je vais dire où c'est que tu vas demain, parce que je sais que tu vas en Haute-Marne. Allez, je le dis quand même. Donc Christelle Jeanblanc, si vous voulez danser avec Christelle, eh bien, vous pourrez danser avec Christelle et son accordéon. Et ça sera du côté de Montigny-le-Roi. Entre Chaumont et Bourbonne-les-Bains. Donc demain à la salle des fêtes de Montigny-le-Roi, eh bien vous y danserez avec Christelle Jeanblanc. Qui sera tout en blanc. Et c'est à partir de 15h jusqu'à 23h. Non, 20h. Donc c'est organisé par les anciens combattants. Hein. Autrement, il y a également en Haute-Marne le Foulon à Bourbonne-les-Bains. Alors on y danse tous les dimanches, tous les mercredis également. Alors demain, dimanche 7 octobre, eh bien ce sera animé par votre serviteur de 15h à 20h. Et le mercredi 10, eh bien ce sera également votre serviteur, mais de 15h à 19h30. Donc au Foulon à Bourbonne-les-Bains, le dimanche 14 octobre de 15h à 20h, ce sera Romain Dupuis. Et notez dans votre carnet de bal également, le mercredi 17 octobre de 15h à 19h30, ce sera le grand bal de l'automne. Puisqu'à 17h, eh bien, vous dégusterez la délicieuse tarte aux pommes offerte par Yvette. Et ce sera animé par Florent Goris. Alors, le numéro de téléphone du Foulon, c'est le 03 25 90 02 57. Je répète, 03 25 90 02 57. Le rendez-vous de la danse. Dans une super ambiance. Du côté de la Meuse, donc au Madison à Revigny-sur-Ornain, alors vous pourrez danser demain au Madison. L'hiver, l'été. L'hiver, avec Charlotte Buche. L'hiver, l'été. De 14h30 à 19h. Donc c'est à côté de Bar-le-Duc à Revigny-sur-Ornain. Le numéro de téléphone, c'est le 09 66 42 28 53. Je répète, 09 66 42 28 53. Thank you. Et enfin, en Meurthe-et-Moselle, eh bien, il y a à Velay-en-Haye, eh bien, des thés dansants tous les dimanches et tous les jeudis maintenant depuis ce mois-ci. Alors demain, dimanche 7 octobre, de 14h30 à 19h, vous pourrez y danser avec l'orchestre Fusion Orchestra et Christian Mangel à l'accordéon. Alors ça, c'est pour demain, dimanche 7. Autrement, ce jeudi 11 octobre, eh bien, vous pourrez y danser avec Jean-Claude Daniel. Également de 14h30 à 19h. Et à noter que Christelle, eh bien, elle, y sera le 18 octobre. Le jeudi 18 octobre, de 14h30 à 19h également. Christelle Jean-Blanc, hein, je précise. Alors, un numéro pour Lausanne. Le Dancing Lausanne, c'est le 06 79 17 36 97. Et je répète, 06 79 17 36 97. Chantons tous avec Musette Party. C'est réussi. Musette Party a réuni tous nos amis. Les morceaux que l'on a choisis ne sont pas d'aujourd'hui. Ils remplissent nos cœurs de joie, de bonheur. Nous danserons jusqu'à demain. Nos cœurs de plein d'entrain, chassant tous nos soucis. Et puis, Musette Party, c'est notre vie. Et c'est parti, dansons, chantons tous avec Musette Party. C'est réussi, Musette Party a réuni tous nos amis. Si le village est en fête, que la folie guette, ça remplira les cœurs de joie, de bonheur. Pour oublier jusqu'à demain toute peine et tout chagrin, un peu d'accordéon, c'est bon. Auditeurs bien de Radio Guémozo. Alors aujourd'hui c'est la journée porte ouverte, alors venez nombreux, c'est pas fini, c'est jusqu'à quelle heure? Ici les portes ouvertes, les collègues. Personne ne hein, c'est jusqu'à quelle heure? 18h, voilà. Vous pouvez venir jusqu'à 18h. Voilà. Pas de problème. Vous verrez, c'est sympa, c'est convivial. Voilà. Ce sont de jolis locaux en plus. Hein. Il y a même des personnalités. Comment ? Il y a même des personnalités. Oui. Oui. Voilà, comme Christian Saint-Père. Oui, et puis notre député. Il y a, oui, j'ai vu, il y a un député. Oui. Voilà, il y a Marcel Houillon, il y a Christelle Jean-Blanc. C'est pas le député, hein, c'est le député. Voilà, voilà. Donc, en espérant que vous ayez passé un bon moment, les programmes continuent sur Radio Guémozo. Hein. Restez bien branchés sur le 107.0. Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter votre émission Musée de Partie donc, en allant sur le site via radioguémozo.e. Et demain dimanche, rendez-vous dès 7h sur les mêmes ondes et dès 5h sur Résonance FM aussi, à la Bresse pour nos confrères de la Bresse. Vous pouvez les télécharger. Hein. Oui, on peut les télécharger. Et également le samedi, c'est sur Fréquence Amitié aussi à Vesoul. Tous les samedis de 9h à 10h. Voilà, donc merci à vous. Gros bisous, merci Christian d'être venu. Ben merci Cyril, merci à tous. Merci Marcel. Oui. Merci Christelle. Merci Cyril. Voilà. Au plaisir de te revoir. Ben oui, au plaisir. Et on va se quitter avec une petite série de marches. Alors on va quand même également remercier les gagnants et les gagnantes, puisque le petit jeu, il fallait dire le petit chapeau... Tyrolien. Tyrolien, c'était ça, hein. Oui, oui, c'était ça. Voilà. Avec la petite plume. C'était avec la petite plume. Alors il y en a qui ont eu droit à un CD de Christian... Et c'était pas en stéréo, c'était en, de Martial. En triphonie. Là, hein. En triphonie. En triphonie, c'est nouveau ça, non? Ah, oui. Ça existe, oui. Oui. En duophonie, non? Alors, il y a eu qui comme gagnant? Vas-y. Alors, il y a eu monsieur Colin François. Oui. De Homme-Fleury, ici, hein, là, à Remiremont. Voilà. Oui. Il y a madame Lambert-Huguette de Rue-sur-Moselle. De Rue-sur-Moselle. Où sera Christian d'ici une quinzaine de jours, enfin voilà, trois semaines. Oui. Oui. Et il y a monsieur Alain Lepaule de Blanzé. De Blanzé. Voilà. D'accord. Et Gigi aussi, Gigi. Et puis Gigi, ben, moi je l'avais pas. Alors. Gigi et Daniel. Gigi et Daniel. Oui, de la Chapelle au Bois. Chapelle au Bois. Donc voilà. Là, ça fait 4 alors. Ça fait 4. D'accord. Bon, ben, 4 CD. Voilà. Voilà, donc bravo. Aux gagnants, aux gagnantes. Ah, on les remercie quand même d'écouter Radio Guémozo tous les samedis. Hein. Oui, de nous supporter. Ben oui, de nous supporter. Ben oui. Ouais. Voilà. Franchement, c'est dur, hein, de nous supporter. Ouais, hein. Ouais, ouais. Ben oui, c'est... supporter allez. Nos conneries. On se quitte avec une série de marches. Alors, à la poursuite des boutons, eh bien, c'est Laura Vimard, avec son album À la poursuite des boutons, la fille à Madame, hein, ici présente, à Christelle. Et l'autre marche, eh bien, ça sera, je sais pas ce qu'on a mis de Christian, les amis du Musette, on n'a pas mis, si. Si on a mis. Bah, prendre la vie du bon côté, alors. Voilà. Hein ? Allez, faut prendre la vie du bon côté, de toute façon. Bon, hein. Hein ? Du bon. Du pas bon du côté. Mauvais, hein. Allez, c'est parti. Gros bisous, oui, je laisse la place aux collègues, parce qu'après, je vais me faire taper sur les doigts. Allez, ciao à tous. Salut. Et rendez-vous samedi prochain.